Chapitre 4e. Jeu de hasard. La maison du cardinal de Richelieu, nommée Limours, située entre Paris et Fontainebleau, était de très simple apparence. Les alentours ne se voyaient point embellis de ces plantations de luxe, où les dociles rameaux des arbres, prenant des formes architecturales, préludent à la structure des palais. L'avenue en était simplement tracée par deux rangées de chênes au milieu de la campagne. Cependant, l'herbe ne croissait pas sur ce chemin. Les courtisans, qui flairaient de loin l'agrandissement de puissance du jeune évêque, prenaient l'avance pour lui offrir leurs hommages. Le premier rayon du jour rencontra sur cette route l'escorte de Gaston. C'était la troupe la plus jeune, la plus brillante, la plus vive, dont jamais ces feux, en se levant, eussent fait étinceler les ceinturons, les mousquets, les broderies d'or, les freins, les éperons. À la tête marchait Gaston, à sa droite, Henri de Chalais. Après ces deux chefs, venaient, somptueusement équipés, ces jeunes nobles qui, la veille, se plaignaient de leur détresse en faisant, à chaque mouvement de leur corps, étinceler leurs pierreries, en absorbant dans leur coupe la sève de mains de province épuisées. Ils étaient tous en costume de chasse. Messeigneur allait gaiement tuer le favori, traqué dans sa maison comme un gibier de bonne prise. Mais il n'y avait pas dans toute leur bande l'étoffe d'un conspirateur. Des pages marchaient à la suite, leur uniforme composé d'un manteau vert très court, d'une veste de même couleur, d'un pantalon rouge serré d'une jarretière d'or, montrait qu'ils appartenaient à la maison de monsieur. Cependant, Richelieu était seul dans une campagne déserte, et il venait 60 hommes bien armés de leurs bonnes rapières et décidés à se défaire de lui. Il n'était pas probable, quelle que fût l'ignorance des assaillants en fait de complot, que l'assiégé pût échapper à ce coup d'écolier. Dans un instant, une lame bien affilée et soutenue de maint autre s'il le fallait, allait chercher le chemin de son cœur dans sa poitrine. Chacun sentait déjà ce moment. Son approche jetait un froid secret dans les âmes. On arrivait. On n'avait plus que l'avenue à franchir. On était au pied du perron. Tout à coup, Richelieu paraît sur le premier degré. Et il s'adresse à Gaston et lui dit « Dans le dessein où était votre Altesse royale de prendre un divertissement dans ma maison, j'aurais été flatté qu'elle m'eût accordé la satisfaction d'en faire les honneurs. Mais puisqu'elle veut être libre, je la lui cède volontiers. » Après ce peu de mots, le cardinal n'attend pas de réponse. Il salue, puis se jette dans un carrosse disposé près de lui et part au galop. Les conjurés, étourdis, stupéfaits, se regardèrent, ne sachant si la colère ou le rire devaient l'emporter. Le dernier prévalut bientôt. On entra à grand bruit dans la maison. On n'avait plus à faire que l'assaut des provendes, plus à mettre à mort que les gras chapons et les saintes poulardes. On campa dans la demeure pour se venger sur elle. Bientôt, elle entendit plus de tapage qu'il n'en avait jamais retenti sous ses voûtes. La maison du cardinal avait à l'intérieur toutes les apparences puritaines du dehors. La salle à manger, au lieu d'étaler à la vue de magnifiques vaisselles sur des buffets, les tenait enfermées sous de larges panneaux. Dans le salon, il n'y avait d'ornement que des tableaux de piété, de grand Christ, des meubles qui semblaient plus flétris par le temps que par l'usage. Tout cela sentait le froid et la poudre du cloître. Il n'y avait d'apparence de vie que dans le cabinet de travail de Richelieu. Là, un grand nombre de livres reliés en noir, de parchemins semés sur des bureaux, annonçaient le mouvement des idées. Le cachet d'ancienneté emprunt sur ces objets montrait un homme d'études qui se plaît aux choses du passé et vit avec elles seules. Richelieu tenait alors à paraître entièrement occupé de la composition de ses ouvrages théologiens, la méthode des controverses et la perfection du chrétien. Il voulait paraître accroupi sur ses livres, sans regarder ailleurs et sans toucher aux affaires de l'État. Comme certains animaux qui se servent de cette feinte pour éloigner d'eux le danger, il faisait le mort. Cependant, le dîner fut somptueux et bien fêté par ces jeunes hommes, peu faits aux sentiments vindicatifs et qui haïssaient en riant. Au dessert, de nombreux toasts furent portés. Dans l'un d'eux, deux verres choqués avec force brisèrent et mêlèrent leur liqueur. « Signe de mariage » cria-t-on de toutes parts. « Messieurs, qui se marie parmi nous ?» Ce vulgaire incident n'eût pas été remarqué sans celui qu'il suivit à l'instant même. Un page de la maison du roi, arrivant à bride abattue de Paris, remit à Gaston un paquet scellé du cachet de Louis XIII. Le prince l'ouvrit à l'instant. C'était une longue lettre dans laquelle le roi pressait de nouveau son frère et avec plus d'insistance que jamais, d'accepter la main de Mademoiselle de Montpensier, mettant à ce prix l'oubli du passé, son amitié et sa parfaite réconciliation avec monsieur. Il joignait à cette lettre un tableau des biens immenses qu'apportait en dot la jeune future et un portrait de Mademoiselle de Montpensier qui, élevée dans le midi de la France, n'était point connue alors à la cour. « Vraiment, messieurs, s'écria Gaston, voici un excellent tour du cardinal. Car je vois ici le cardinal derrière mon frère. Mais n'importe, je resterai fidèle à mes amis jusqu'à la pauvreté, jusqu'à la mort. Je veux que le cardinal m'ôte mes biens, la tendresse de mon frère, pour rester à la tête de ceux qui l'oppriment. Je suis de la noblesse française. Je soutiendrai ces vieilles franchises, et plus il s'en montrera l'ennemi, plus je lui prêterai le secours de mon bras. Vive, monsieur, vive notre digne prince !» Pendant ce dîner, Chalais était seul tourmenté d'inquiétudes secrètes. En même temps, il faut le dire, il éprouvait une satisfaction intérieure que les choses ne fussent pas allées plus loin. Le meurtre d'un homme n'était pas en ce temps chose de bien grande importance, mais la faiblesse du caractère de Chalais lui donnait de l'éloignement pour toute action décisive. Mais si son esprit était privé de qualités solides, son cœur, comme nous l'avons dit, était riche de puissance aimante, de bonté, de générosité adorable. Un jour, tout enfant, il quitta son habit brodé d'or pour le donner en jouet à sa sœur qui pleurait. Et toute sa vie, il fut ainsi disposé à se dépouiller pour ceux qu'il aimait, à se sacrifier tout entier pour changer une de leurs larmes en sourire. Il était bien dépareillé dans cette cour sensuelle et avide, où nul ne pouvait faire échange avec lui de semblables richesses d'âme, ni ses blondes maîtresses, ni ses amis de festin, ni peut-être la femme à qui il sacrifiait tout en ce moment. Une seule personne sur terre l'aimait comme il méritait de l'être, c'était sa mère, sainte et noble femme, relique du passé, ayant conservé dans leur ferveur antique les religions de la France, la foi au crucifix, à la branche de lys, mais subordonnant ses cultes dans son âme à l'amour de son fils. Amour maternel, si beau, si touchant, parce qu'il montre la tendresse toute jeune encore dans un être vieilli, parce qu'il vivifie tout là où tout serait mort sans lui, flambeau qui s'est allumé dans un sombre et antique sanctuaire. La duchesse de Chevreuse était seule, à demi étendue sur un petit lit d'été. Le prince de Chalais, connu des domestiques du château, avait pénétré sans bruit jusqu'à son appartement. Il la vit abattue et pressant son visage de ses mains appuyées sur les coussins du canapé. « Ne pleurez pas, Valentine, dit-il. Nous avons encore du courage à déployer à votre service, et Richelieu n'est pas délivré de nous pour toujours. »« Ah ! » s'écria-t-elle, en saisissant les mains de Chalais et l'attirant à ses côtés. « Ne me croyez pas aussi égoïste. Au nom du ciel, ne le croyez pas. Ce n'est pas sur moi que je pleure en ce moment, c'est sur vous. Il n'est question ce matin à la cour que de surprise contre le cardinal, de conspiration échouée. On prononce votre nom. » Et moi je ne sais rien, je suis là, à vous attendre, dévoré d'inquiétude. Combien j'avais besoin de vous voir. » Chalais dit avec franchise et en toute vérité ce qui s'était passé. « Malheureux enfant, et que prétendiez-vous faire ? Je vous avais promis de vous délivrer de Richelieu. Pouviez-vous jouer votre vie sur un coup si hasardé ? Il n'y avait à craindre qu'un exil passager. Ah, ne croyez pas cela. Tout le monde parle sous des traits affreux du danger que vous avez couru. Il est vrai que notre liaison était connue. On se plaît sans doute à l'exagérer devant moi. Mais n'importe, vous devriez être déjà parti pour la Hollande, avoir pris asile sur un vaisseau de Zuiderzee. Vous quittez, Valentine, pour un péril qui n'est peut-être qu'imaginaire. On assure que le roi eut vengé par votre mort le meurtre de son favori. Louis n'est pas cruel. Il n'a pas encore eu le temps de l'être, il est jeune, mais attendez. » La duchesse était pâle et douloureusement émue, et en exprimant ses inquiétudes, elle passait la main dans les beaux cheveux bruns de Chalais qui était à ses genoux. Mais cette main était froide. Les regards de Valentine se perdaient souvent dans l'espace au lieu de chercher ceux de son amant, et plus encore que le luxe et la beauté, la pâleur et le souci siégeaient sur son front. Quelques heures après, Chalais traversait pour se retirer la vallée de Chevreuse, qui tenait enfermée dans son sein de verdure l'habitation de la duchesse. On était à la fin de l'automne. Chalais, en s'éloignant, effleurait de ses pas et de la plume flottante de son chapeau les derniers gazons et les dernières roses de l'année, comme il venait de cueillir les dernières roses de sa vie.